إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous écrive parmi ceux qui, lorsqu'ils s'assoivent dans les maisons d'Allah pour étudier la science, eh bien, ils sont couverts par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et entourés par les anges. Et on lui demande également que la tranquillité descende sur nous. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné, c'est comme c'est mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on demande aussi qu'il nous écrive parmi ceux qui se souviennent de lui et qui le mentionnent, qui mentionnent son nom et qui parlent de lui. Donc ça c'est quelques-uns des bienfaits de s'asseoir dans les assises de science pour apprendre l'islam, apprendre notre religion, étudier le Coran, étudier les hadiths, étudier les paroles de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, augmenter notre connaissance et notre compréhension de l'islam, de connaître les éléments qui font partie de notre religion avec les preuves du Coran et de la Sunna, et de les étudier, de les mémoriser, de les reviser. Ça, c'est toutes des choses qui sont obligatoires pour nous et très très importantes si on veut être capable justement d'appliquer notre religion comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le demande, et aussi si on veut être capable de répondre aux questions que les anges vont nous poser dans la tombe. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la réponse à ces questions. Donc, ayant dit cette petite introduction, on va commencer donc aujourd'hui le cours numéro 30, dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha avec le Sharh du Cheikh Saleh al-Fawzan. Et on est donc en train d'expliquer les piliers de l'islam. Dans les cours qui sont passés, au cours des semaines dernières, on a parlé de la signification de Al-Shahada, Shahadatayn, l'explication de la signification de Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, qui est le premier fondement, le premier pilier de l'islam, qui est la base de l'islam. Surtout, c'est sur cette parole que tout le reste se repose. Maintenant qu'on a parlé de ça et qu'on a expliqué ça, on va expliquer maintenant les preuves. Le cheikh mentionne la preuve du pilier de la salat, de la zakat et de l'explication du tawhid. Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit: wa dalil as-salat wa az-zakat wa tafsir at-tawhid qawluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakat wa dhalika din al-qayyimah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ça c'est la preuve de la salat, c'est-à-dire du pilier de la salat et de la zakat, et du tawhid, de l'explication de ce que signifie le tawhid, c'est dans un seul verset. Et dans un verset qui est court, hein, qui est le verset 5 dans Surat al-Bayyinah. Verset 5 dans Surat al-Bayyinah. Et qu'est-ce qu'il dit ce verset? Il parle du fait qu'il n'avait été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte pur. Hein, et en se tournant vers Allah seul et en s'écartant du shirk, c'est-à-dire en purifiant notre adoration pour Allah seul. Et ensuite, et qu'ils établissent la salat et qu'ils donnent la zakat. Et c'est ça la religion de droiture. Et c'est ça la religion droite, de la voie droite ou du chemin droit. Hein? Donc, maintenant, ça c'est qu'est-ce que le cheikh a expliqué avec le verset qu'il a mentionné. Maintenant, on va lire ensemble l'explication du cheikh Saleh Al-Fawzan. Wa alaykoum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va lire ensemble l'explication du cheikh Saleh Al-Fawzan au sujet de cette parole. Cheikh, il dit: فالصلاه هي الركن الثاني من اركان الاسلام فالزكاه هي الركن الثالث وهي قرينه الصلاه في كتاب الله الصلاه عمل بدني والزكاه عمل مالي. Donc le cheikh dit la salat c'est le deuxième pilier parmi les piliers de l'islam, et la zakat c'est le troisième pilier. Et la zakat, elle est la compagne de la salat. Zakat et la salat sont deux compagnons dans le Coran. Quand on lit le Coran, on va remarquer que à plusieurs occasions, la salat et la zakat sont mentionnées ensemble. Hein? Wa aqimu as-salat wa atu az-zakat. Wa yuqimuna as-salat wa yu'tuna az-zakat. Hein? Wa yuqimu as-salat. Et ainsi de suite. Donc, souvent ces deux piliers sont mentionnés ensemble. Hein? Donc, ce sont des compagnons dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la salat, c'est un acte du corps, une adoration physique, corporelle. Et la zakat, c'est une adoration économique. Hein? C'est-à-dire une adoration qu'on fait avec nos biens et notre argent. Ok? Donc ça c'est avec de l'argent, avec ou avec nos biens, dans le sens que c'est de l'argent qu'on extrait de, par exemple, nos possessions ou nos richesses. Soit le bétail, soit les récoltes, si on possède des récoltes, ou bien également l'inventaire qu'on a dans, par exemple, un commerce qu'on possède, on fait sortir la zakat de ça. Donc ça fait partie de qu'est-ce qui est obligatoire pour le musulman. Et ce sont les piliers de l'islam. Et le cheikh il dit ensuite: وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة لما امتنع الناس أو امتنع أناس من دفع الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. Donc le cheikh il mentionne donc cet événement ou cette chose qui s'est produite à l'époque des sahaba après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiyallahu anhu, il a eu un désaccord avec Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sur une question, sur un sujet, c'est-à-dire que certaines personnes ont voulu s'abstenir de payer la zakat. Certaines personnes ont voulu s'abstenir de payer la zakat. Alors, Abu Bakr radiyallahu anhu a dit, je vais les combattre, par Allah je vais les combattre, hein? Je vais combattre ceux qui font une distinction entre la salat et la zakat. Et donc, ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit, et donc lorsque les gens se sont abstenus de donner la zakat après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiyallahu anhu, il était déterminé à les combattre et il les a combattus. Mais Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il disait, comment tu peux combattre des gens qui ont dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, comment tu peux les combattre, hein? On ne peut pas combattre des musulmans. Et Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, il lui a répondu, il lui a dit, par Allah je vais combattre ceux qui ont fait une distinction entre la salat et la zakat. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, illa bihaq al-islam, c'est-à-dire ils seront protégés de, dans le hadith, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaq al-islam wa hisabuhum 'ala Allah, c'est-à-dire du moment qu'ils disent je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, alors dans ce cas-là, yani, ils sont protégés dans leur sang et dans leur bien contre moi, excepté pour un des droits de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, illa bihaqqiha, pour un des droits de la ilaha illallah. Et il a dit la salat et la zakat, ça fait partie des droits de la ilaha illallah, donc s'ils ne la donnent pas, donc dans ce cas là ils ne sont plus protégés et ils doivent être combattus dans ce cas là hein? Si c'est comme les ulama l'expliquent, si c'est un individu tout seul qui s'abstient de faire la salat ou de donner la zakat, et bien dans ce cas là il va être ordonné de le faire, et s'il s'abstient, alors il va être exécuté, comme c'est mentionné dans les livres de fiqh, hein, dans ces chapitres-là et dans ces questions-là. Sinon, si c'est un groupe ensemble, et que ce groupe-là ont une force militaire, et qu'ils s'abstiennent d'établir ces principes-là de l'islam, et ces piliers de l'islam, alors dans ce cas-là, ils seront combattus, jusqu'à ce qu'ils recommencent à les appliquer et les établir. Et ça, c'est bien entendu lorsque les musulmans ont la capacité de faire imposer ces choses-là. Donc, c'est ce que Abu Bakr, radiyallahu anhu, a fait à son époque. Et il a dit, je jure par Allah que je vais combattre quiconque fait une distinction entre la salat et la zakat. Et je jure par Allah que s'ils refusent de me donner une corde, hein, ou quelque chose qu'ils utilisaient qui pour attacher les chameaux à l'époque, s'ils refusent de me donner cette chose alors qu'ils le donnaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque lorsqu'il était en vie sallallahu alayhi wa sallam, alors je les combattrai jusqu'à ce qu'ils la donnent, même si c'est quelque chose qui est qui n'a pas une grande valeur. C'est pour montrer l'importance de cette chose là et le principe qui est dedans. Et donc ça montre la détermination, hein, de Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu pour faire établir et appliquer les principes de l'islam et l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est à ce sujet. Maintenant c'est donc ça s'est rapporté par Al-Bukhari Muslim, ce hadith il est très célèbre. Ensuite il dit le Cheikh Al-Fawzan, فالزكاه حق واجب في الاموال وهي ركن من اركان الاسلام وهي قرينه الصلاه في كتاب الله عز وجل في كثير من الايات ومنها هذه الايه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. C'est-à-dire que la salat c'est un droit qui est obligatoire dans nos biens, et c'est un des piliers parmi les piliers de l'islam, et c'est un des compagnons de la salat dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs des versets. Et parmi les versets qui mettent ensemble, ou qui mentionnent ensemble la salat et la zakat, le verset 5 qu'on est en train d'expliquer dans suratul Bayyinah. Hein? Ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en purifiant pour lui leur adoration, en étant hunafa, c'est-à-dire en se tournant uniquement vers Allah et en s'écartant complètement de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah parmi les idoles ou autres, et qu'ils établissent la salat et qu'ils donnent la zakat. Ça c'est la preuve encore une fois que salat et zakat viennent toujours ensemble, ou souvent, ou presque toujours ensemble dans le Coran. Ensuite le cheikh il dit فالزكات حق واجب في الأموال. Donc la zakat c'est un droit qui est obligatoire dans les biens, on l'a dit. Et après le cheikh dit دليل التوحيد في أولها في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا هو تفسير التوحيد وهو عبادة الله مع الإخلاص له وترك عبادة ما سواه فالدين والتوحيد والعبادة بمعنى واحد. Donc le cheikh il dit, parce que dans le titre ici là, juste dans cette phrase qu'il explique, qu'est-ce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit? Maintenant il énumère les preuves, il a donné la preuve du tawhid, on l'a expliqué dans les cours précédents. Maintenant il dit, et la preuve de la salat, de la zakat et de l'explication du tawhid, ou de la signification du tawhid, le verset 5 dans Suratul Bayyinah. Donc, maintenant, il explique l'élément qui fait que il y a la preuve du tawhid et de l'explication de ce que signifie le tawhid dans ce verset. Il dit, au début de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il n'avait été ordonné que d'adorer Allah seul en lui purifiant leur adoration. Mukhlisin lahuddin. En lui purifiant la religion ou bien l'adoration. Ça, c'est la signification et l'explication de ce que signifie le tawhid. Et c'est-à-dire d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ikhlas envers lui, c'est-à-dire avec pureté et sincérité, et d'abandonner l'adoration de tout ce qui est en dehors de lui et tout ce qui est autre que lui. Donc de faire en sorte que notre adoration soit uniquement pour Allah seul. Et le cheikh il dit que la ad-din, le mot ou le terme quand on dit ad-din, ou bien quand on dit at-tawhid, ou quand on dit al-ibada, il dit que ces trois termes sont des synonymes qui ont la même signification. Quand on dit din, on dit tawhid, on dit ibada, c'est la même chose. Ibada, ça veut dire, c'est comme si ça implique le tawhid. Quand on dit ad-din, ça implique le tawhid. Il faut comprendre ça. Donc de purifier notre religion pour Allah, ça veut dire de purifier notre tawhid. De purifier notre adoration pour Allah, ça veut dire de purifier notre tawhid. Donc ça a une seule et même signification. Ensuite le cheikh il dit مخلصين له الدين أي العبادة. وهذا تفسير التوحيد لا كما يقوله علماء الكلام إنه الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. هذا توحيد الربوبية والمطلوب هو توحيد الألوهية الذي دعت إليه الرسل ولا يصير المسلم مسلما إلا إذا جاء به. أما من جاء بتوحيد الربوبية فقط فهذا ليس مسلما بدليل أن المشركين يعتقدونه وينطقون به ويعترفون به ولم يدخلهم في الإسلام ولم يمنع من قتلهم وسبي أموالهم وسبي أموالهم توحيدهم هذا لأنهم ليسوا موحدين لما أشركوا بالله عز وجل في العبادة. وهذا هو تفسير التوحيد من كتاب الله لا من كتاب فلان وعلان، كتاب الجوهرة أو كتاب المواقف أو كتب علماء الكلام. لا يؤخذ تفسير التوحيد من هذه الكتب، وإنما يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتب أهل السنة والجماعة الذين يتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le cheikh il dit donc de dire مخلصين له الدين, en purifiant pour lui notre religion, c'est-à-dire en purifiant pour lui notre adoration, de faire en sorte qu'elle soit pure et uniquement pour Allah. Ça c'est l'explication du tawhid. Comme, et non pas comme le disent les savants de Kalam. Les savants de Kalam, c'est qui? C'est les Asha'ira, les Maturidiyya, les Jahmiyya et les Mu'tazila, des groupes de Bid'a qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui se basent sur la logique des Grecs, ou bien sur la philosophie, ou bien sur la théologie établie par les Grecs pour définir ou connaître Allah, hein, se base sur qu'est-ce qu'ils considèrent comme étant la raison, qui est en réalité leur passion qu'ils suivent, et qui laissent de côté le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam pour parler de ces sujets-là. Donc, le cheikh il dit, pour comprendre la signification du tawhid, il faut se référer à des versets comme ça et à des paroles d'Allah qui sont dans le Coran, qui expliquent ce que le tawhid signifie, et non pas de retourner aux paroles des savants de kalam, hein, les gens de la parole, la science de la parole, comme on le traduit littéralement. C'est-à-dire, pour eux, que le tawhid, ça signifie de reconnaître et de déclarer que Dieu est le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul qui fait vivre, qui fait mourir. Donc pour eux, c'est ça le tawhid. Et si tu as reconnu ça, alors pour eux, tu as reconnu le tawhid, tu es devenu un muwahhid, un musulman qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que le problème avec ça, c'est que ça, c'est juste une partie du tawhid. Et cette partie-là, si tu la reconnais, eh bien, c'est totalement insuffisant. Hein? Et on l'a expliqué ça de plusieurs fois, hein, pour faire comprendre la signification, pourquoi c'est pas suffisant. Le cheikh il le dit, c'est parce que qu'est-ce qui est demandé de notre part, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui est demandé de nous, c'est d'amener ou d'établir ou d'appliquer et de concrétiser le tawhid dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas seulement de reconnaître l'unicité d'Allah dans la souveraineté et dans la création ou des choses de ce genre. Hein? Puisque, qu'est-ce qui est ordonné par les messagers? Tout ce que les messagers ont demandé à leur peuple, c'est tout ce que les messagers ont appelé leur peuple à établir et à respecter, c'est le tawhid d'Allah, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Dans l'adoration. Donc, quelqu'un ne devient musulman que s'il a établi cette catégorie de tawhid là en particulier. Sinon, quelqu'un n'est pas considéré comme étant musulman, c'est-à-dire s'il a juste reconnu que Dieu c'est le seul créateur, le seul maître de toutes choses, hein, que c'est lui le seul qui donne la subsistance et yani. Donc s'il reconnaît que ça, c'est pas considéré comme étant un musulman encore. Il doit compléter son tawhid en établissant le tawhid dans l'adoration. Ok? Le cheikh dit ensuite, en ce qui concerne tawhid al-rububiyya, si c'est la question de tawhid al-rububiyya seulement, de reconnaître l'unicité d'Allah dans la souveraineté et dans la création et dans le contrôle de l'univers ou dans le fait de donner la subsistance ou des choses de ce genre, eh bien, ça ne fait pas que quelqu'un est considéré comme étant un musulman encore. Pourquoi? La preuve de ça, c'est que les mouchrikoun, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils croyaient en cette catégorie de tawhid déjà, hein, et ils le disaient ouvertement, et ils le reconnaissaient, hein, explicitement, qu'ils croyaient qu'il y a un seul Dieu, que c'est lui le seul créateur, le seul maître, hein, mais malgré tout, ça ne les a pas fait entrer en islam. C'est pas ça qui les a fait rentrer dans l'islam ou qui a fait en sorte que les gens les considèrent comme étant des musulmans pour avoir dit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quand même continué à les combattre. Ça n'a pas empêché le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris leurs biens également par la suite, à cause de ça. Pourquoi? Parce que ce tawhid là, c'est pas suffisant. Parce qu'ils ne sont pas des muwahhidin. Ce ne sont pas des gens qui ont établi le tawhid. Donc lorsqu'ils ont commis le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, on a la preuve que c'est des gens qui, peut-être qu'ils ont établi le tawhid d'un certain point de vue dans la rububiyya, mais dans l'adoration, ils ne l'ont pas établi. Donc ce sont des mushrikoun. Donc ça c'est très important de comprendre, donc, que les gens de kalam, que ce soit les Asha'ira, et les Asha'ira, ils existent, hein, encore aujourd'hui. Ils sont dans plusieurs pays, dans les pays musulmans, et même que maintenant, ils sont en train d'essayer même de propager cette bid'a et cette fausse aqidah partout maintenant, dans l'internet et ailleurs. dans les différents pays dans le monde, même dans les pays non musulmans, ils sont en train de propager et d'enseigner et d'inculquer aux gens cette innovation, cette bid'ah de ilmul kalam et yani de la aqidah des asha'ira et des choses de ce genre. Donc comme par exemple, depuis que vous voyez par exemple la secte des Ahbash, par exemple, la secte des Ahbash, ça c'est un exemple de gens qui propagent ça. Oui, il y a des Ahbash à Montréal, ils ont une mosquée, ça, c'est la même chose, comme en France. Ils ont leur mosquée et le nom de leur association, c'est le même que celui en France. Il y a les organisations de bienfaisance ou je sais pas quoi là. Et ils ont leur mosquée sur l'avenue du Parc qui s'appelle Salahuddin. Hein? Ça c'est un exemple de leur mosquée. Ils enseignent là-bas Salahuddin, avenue du Parc. Là-bas ils ont leur mosquée. Et c'est là qu'ils prêchent leur bid'ah. Et ils ont même une école pour les enfants. Et beaucoup de parents musulmans envoient leurs enfants dans leurs écoles. Ils ne savent même pas que ce sont des Ahbash. J'ai oublié le nom. Je pense que c'est Ali ibn Abi Talib ou quelque chose comme ça. Mais disons qu'eux, ils ont ouvert cette école pour les enfants. Et ils ne disent pas, bien entendu, qu'on est des Ahbash. Si on enseigne la aqidah des gens de bid'ah, des choses comme ça, ils vont dire non, nous on est des sunnites, on enseigne l'islam selon les quatre écoles sunnites, et des choses de ce genre. Bien entendu, pour que les gens pensent que ce sont des gens qui sont réellement des sunnites et qu'ils suivent réellement les mazahib de Ahl Sunnah, sauf que c'est un mensonge, puisqu'on sait très bien que leur aqidah est en contradiction avec la aqidah des quatre mazahib de Ahl Sunnah. Hein, et qu'ils n'ont rien à voir avec la voie des sunnites, puisque ce sont des gens qui ont amené une bid'ah. Hein. Et la aqida qu'ils suivent, elle n'existait même pas à l'époque de l'imam Malik, ni à l'époque de l'imam Abu Hanifa, ni à l'époque de l'imam Shafi'i ou Ahmad. Parmi les principales bid'ah de ces gens-là, c'est qu'ils nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils leur donnent une autre signification, ils déforment son sens. Ils le déforment en donnant à ces attributs-là une signification qui est contraire à ce qui est mentionné dans les textes et qui est contraire à ce qui est connu de ce que les sahaba ont mentionné, de la signification de ces mots-là en arabe. Non. Oui, aussi, ils déclarent tous les musulmans qui ne sont pas d'accord avec eux et tous les ulama de l'islam qui ont affirmé les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sans faire de ressemblance entre Allah et sa création, ils les déclarent kuffar. Ceux qui suivent la voie d'Ahl Sunnah dans l'affirmation des attributs d'Allah et qui affirment Allah sans demander le comment et sans essayer d'imaginer Allah ou sans essayer de faire de ressemblance entre le Créateur et la créature, eux, ils les déclarent kuffar, comme Ibn Taymiyyah, comme Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh al-Albani, tous ces savants-là, pour eux, sont des kuffar. Donc, la contradiction de leur part, c'est qu'ils déclarent ceux-là kuffar, mais ils ne déclarent pas les quatre imams des madahib kuffar, alors qu'eux aussi ont affirmé les attributs de la même manière que les autres imams d'Ahl Sunnah. Donc, c'est la contradiction qu'ils ont chez eux. D'accord. Donc, ils essaient de faire croire aux musulmans que il y a une différence entre la aqidah des quatre imams et la aqidah des autres ulama qui sont venus par la suite, qui suivaient leur voie, comme l'imam Ibn Taymiyyah, et l'imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, et l'imam, et les autres shuyukh qui sont venus par la suite, qui ont suivi la voie des salaf. Donc, le Sheikh Al-Fawzan, il dit que ça c'est la signification du Tawhid dans le livre d'Allah. Ah oui, puis donc il y a les Ahbash qui ont la aqidah des Asha'ira, mais il n'y a pas que eux seulement aussi. Il y a aussi d'autres groupes qui ont cette aqidah. Sauf que les Ahbash sont plus extrémistes. dans leur façon de l'exprimer, puis ils sont plus extrémistes dans le takfir aussi. Tandis que, mais il y a d'autres groupes qui prêchent la aqida ash'ariya, mais qui ne sont pas nécessairement avec les ahbash aussi. Puis il y a aussi les maturidiyya, parmi les gens qui suivent la voie des maturidiyya, qui est, on peut dire, la copie presque de la aqida des ash'ariya, presque la même, exactement la même chose. Sauf que ça s'est plus propagé en Inde et au Pakistan. Et ça, vous allez trouver ceux qui croient en ces principes-là ou en cette voie-là. Souvent, c'est les gens de Jamaat Tablir. Hein? Les gens de Jamaat Tablir et les Diobandiya, les gens qui suivent l'école des Diobandiya. Et donc, vous allez voir que ce sont des gens qui propagent cette aqida de Maturidiya. Ils font partie des gens de Kalam aussi. Et que ce soit les Ahbash ou les Asha'ira d'autres tendances, comme par exemple les Ikhwan, le fondateur des Frères musulmans, faisait partie des Asha'ira aussi. Et les Diobandiya, les Tablir, ils ont tous une tendance soufie, ou une tariqa soufie en général qu'ils propagent et qu'ils suivent. Et donc il y a un lien très proche entre le soufisme et la voie des Asha'ira. C'est comme presque collé, ils sont toujours ensemble presque. La plupart des Asha'ira sont des soufis, même s'il y en a des fois qui ne sont pas soufis nécessairement. D'accord? Puis c'est ainsi que ces gens-là propagent. On ne peut pas dire ça de façon générale pour tous les gens qui sont avec Jamaat Tablir, qu'ils ont la aqida de Wahdatul Wujud, sauf qu'on peut dire que les gens qui sont à la tête, parmi ceux qui ont établi cette Jama'a, on retrouve dans leurs propos et dans leurs écrits des choses qui expriment cette idée-là et qui manifestent cette idée-là, parce que dans les turuq soufiya de ces gens-là, il y a ces principes-là qui sont présents dedans. Donc, s'ils n'ont pas eux-mêmes ces idées-là directement, ou s'ils sont ignorants, peut-être qu'ils ne vont pas défendre ces idées-là. Mais parmi ceux qui sont à la tête de ce mouvement-là, certes, on va voir qu'il y a des gens parmi eux qui ont ces idées-là, même si des fois ils ne vont pas le prôner ouvertement ou explicitement. D'accord? Et donc c'est ça. Et le cheikh, il dit donc que pour connaître le tawhid et comprendre la signification réelle du tawhid, eh bien, il faut le prendre du livre d'Allah et non pas du livre d'un tel ou d'un tel parmi les gens. Comme par exemple, souvent les Asha'ira, ils vont prendre leur compréhension du tawhid de leurs livres écrits par leurs shuyukh, qui sont parmi les shuyukh des Asha'ira, comme un livre qui s'intitule Al-Jawhara, Jawhara al-Tawhid. Et c'est un livre qui enseigne la aqida et la voie de la secte des Asha'ira et qui est en contradiction avec la voie de Ahlus Sunnah wal Jama'a dans plusieurs points. Mais c'est le livre qu'ils enseignent. Maintenant, dans plusieurs pays, dans plusieurs endroits dans le monde musulman. Écrit par Al-Busayri, si je ne me trompe pas. Et il y a aussi un livre qui s'appelle Al-Mawaqif, Fi Ilm al-Kalam, écrit par Al-Iji. C'est un de leurs savants qui s'appelle Al-Iji. Ou bien beaucoup d'autres aussi de livres de Ulama al-Kalam. Et eux, ils interprètent le Tawhid de cette façon-là. C'est-à-dire en disant que pour être sur le tawhid, il faut juste dire que Dieu c'est le seul créateur et que Dieu est unique et que c'est lui qui a tout créé, qui contrôle tout. Il n'y a pas d'autre Dieu avec lui. Si tu reconnais ça, qu'il y a un seul créateur, un seul maître, ça y est, t'es sur le tawhid. Même si tu adores des tombes, même si tu prends l'intercession des morts ou des saints ou des prophètes ou des anges, pour eux, ça, c'est pas grave. T'es pas un mouchrik si tu fais ça. C'est parce qu'ils n'ont pas compris la vraie signification du tawhid. Pour comprendre la vraie signification du tawhid, il ne faut pas retourner à ces livres de philosophie et de théologie spéculative, mais il faut plutôt retourner au Coran et à la Sunna. Et Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, il mentionnait souvent à ses élèves. Il disait, si vous avez un niveau et vous êtes capable d'aller directement dans leurs livres pour voir qu'est-ce qu'ils disent, allez voir et vous allez constater qu'est-ce qui est écrit dans leur livre, comment ils parlent. Et effectivement, si tu retournes dans leur livre, tu vas voir quoi? Ils vont parler du tawhid, mais ils se basent que sur leur logique ou sur leur raison. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas mentionner ramener les versets et les preuves du Coran et de la Sunna, comme le fait Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab ou Ibn Taymiyyah ou d'autres ulama parmi les ulama des salaf. Ils vont uniquement se baser sur qu'est-ce qu'un tel a dit, qu'est-ce qu'un tel a dit. Et puis c'est comme de, comment je pourrais dire, des débats. Dans leur livre, c'est comme des débats, des argumentations. Un tel a dit à propos d'Allah telle chose. Et là, après, il mentionne, oui, mais un autre s'est objecté à ce qu'il a dit en disant que cet argument-là n'est pas logique pour telle et telle raison. Et on a répondu à cette objection par telle et telle preuve logique. Mais sans jamais ramener les choses aux preuves de la révélation. Parce que pour eux, la révélation, ça suffit pas comme preuve pour être convaincu de quelque chose dans la révélation ou dans la religion d'Allah. Et c'est ça le malheur de ces gens-là. Hein? Tandis que les livres des ulamas, des salafs et des ulamas de notre époque ou des siècles précédents qui ont été sur la voie des salafs et qui ont enseigné le tawhid et la sunna, eh bien leurs livres se basent fondamentalement sur les preuves du Coran et de la sunna seulement. Et s'il y a des preuves rationnelles à rajouter pour confirmer et témoigner de ce qui est dans les textes, ils vont ramener des preuves de la raison ou de la logique en même temps aussi pour confirmer ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, mais ils ne vont pas se baser uniquement ou se prendre comme fondement la logique, puis laisser de côté le Coran et la Sunna comme ces gens de Bid'ala le font. Donc on prend notre tawhid du livre d'Allah et de la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et des livres des ulama et des gens de Ahl Sunna wal Jama'a qui s'accroche au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on a expliqué ça. Maintenant, le cheikh revient à la salat. Il dit: وَدَلِيلُ الصَّلَاةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَيُقِيمُ الصَّلَاةِ وَالْمَعْدَى أَنْ يُؤْتُوا بِهَا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا أَمَرَ عَزَّ وَجَلَّ بِشُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا وَوَاجِبَاتِهَا أَمَّا مُجَرَّدُ سُورَةِ الصَّلَاةِ فإنها لا تكفي ولهذا لم يقل وصلوا ويصلوا بل قال ويقيم الصلاة ولا تكون الصلاة قائمة إلا إذا أتى بها كما أمر الله عز وجل أما الذي يصلي مجرد سورة في أي وقت يشاء أو بدون طهارة بدون طمأنينة كما يأتي بمتطلبات ولا يأتي بمتطلبات الصلاة هذا لم يصلي ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته الذي لا يطمئن في صلاته قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي ليس مقصودا سورة الصلاة من قيام وركوع وسجود وجلوس فقط ليس هذا المقصود بل المقصود أن يؤتى بها كما شرع الله سبحانه وتعالى مستوفية لكل متطلبات الشرعية متطلباتها الشرعية. Donc le cheikh il dit pour la salat que la preuve dans ce verset au sujet de la salat c'est quand Allah dit wa yuqimu salat, qu'ils établissent la salat. La signification de wa yuqimu salat, c'est qu'ils l'amènent et qu'ils l'établissent comme Allah l'a ordonné, avec ses conditions, ses piliers et ses obligations. Pas seulement de faire la forme apparente, l'apparence ou la forme de la prière. Ça, c'est pas suffisant, de faire juste le rite, les mouvements, les gestes, les formes. Non, ça, c'est pas suffisant. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit et faites la salat. Il a dit établissez la salat. Il n'a pas dit priez, il a dit établissez la salat. Donc, le cheikh il dit ça veut dire que de l'établir, ça veut dire qu'ils doivent la faire exactement comme Allah a ordonné qu'elle soit faite. Et donc, si quelqu'un fait juste les gestes, il suit les mouvements et la forme extérieure seulement, il prie à n'importe quel moment qu'il veut, à n'importe quelle heure, sans respecter les temps qui sont ordonnés par Allah, ou bien il prie sans se purifier, hein, fait les mouvements mais sans se purifier, ou bien il prie sans avoir la tranquillité ou être en paix en lui-même, alors celui-là, il n'a pas ramené les exigences de la salat, et donc c'est comme s'il n'avait même pas prié du tout. Celui-là, c'est comme s'il n'avait pas prié du tout. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la personne qui avait prié, mais d'une façon incorrecte, il priait, mais sans prendre le temps de vraiment retrouver la tranquillité entre chaque mouvement qu'il faisait dans sa prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme, lorsqu'il a terminé, il a dit, retourne prier parce que tu n'as pas prié. Retourne, prie, fais ta prière encore parce que tu n'as pas prié. Donc c'est la preuve que la personne qui fait juste les mouvements rapidement, il ne prend pas le temps de réfléchir et de comprendre et de donner à chaque mouvement son temps, c'est comme s'il n'avait pas prié. Donc c'est pas juste de faire la forme et l'apparence de la salat, faire qiyam, rukou, sujoud, de s'asseoir, ainsi de suite, tu fais tous les mouvements, c'est pas juste ça la salat. Hein? C'est pas ça le but de la salat non plus. Le but de la salat, c'est que tu la fasses comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré, en respectant les exigences légales de la salat. Puis ensuite il dit ثم ذكر دليل الزكاة بقوله تعالى ويؤتوا الزكاة أي يدفعوا الزكاة للمستحقين لها الذين ذكرهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله إن والله عليم حكيم ذكر ثمانية مصارف وحصرها بإنما فلا يكون صرفها في غير هذه المصارف الثمانية فمن صرفها في غير مصارفها الثمانية لم يكن قد أتى الزكاة ولو أنفق أموالا طائلة ملايين أو مليارات وسماها زكاة لا تكون زكاة حتى توضع في مواضعها التي حصرها الله تعالى فيها وهذا معنى إيتاء الزكاة وأيضا في وقتها أي يخرجها وقت وجوبها لا يتبطأ ويتأخر ويتكاسل طيبة بها نفسه أي لا يعتبرها مغرما أو خسارة وإنما يعتبرها مغنما له. Donc le cheikh il explique que la preuve de la zakat, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset et qu'il donne la zakat, c'est-à-dire qu'il la donne à ceux qui la méritent. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 60 dans surat Tawba, il mentionne les 8 catégories de ceux qui méritent de recevoir la zakat. Donc c'est le verset 60 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit les sadaqat, en voulant dire la zakat, elles sont uniquement pour les pauvres et les indigents, c'est-à-dire les gens qui sont pauvres et les gens qui sont dans le besoin, et ceux qui travaillent pour elles, c'est-à-dire qui la récoltent, qui sont responsables d'aller la recueillir. Ceux qui ont un penchant pour l'islam et qu'on veut ramener, qu'on veut rapprocher. Wafir riqab, également elle peut être utilisée pour aider à libérer des esclaves. Wal gharimin, c'est-à-dire les gens qui sont lourdement endettés. Wafi sabilillah, et ceux qui sont dans le sentier d'Allah. Qui font quelque chose dans le sentier d'Allah. Wabn sabil, et ceux qui sont des voyageurs. Donc ça, c'est une obligation qui est ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah est sage, et omniscient et sage. Ça, c'est le verset. Et dans ce verset, Allah mentionne les 8 catégories et il les limite à ces 8 catégories-là. Il limite la zakat à ces 8 catégories par le terme au début du verset « innama ». Et « innama », c'est comme si ça signifie « c'est seulement ceux-là ». À qui tu dois donner la zakat. Hein? Et il ne doit pas la donner à d'autres que ces 8 catégories-là. Celui qui la donne à quelqu'un d'entre ces autres que ces 8 catégories, c'est comme s'il n'avait pas donné la zakat. Celui qui donne l'argent en zakat à d'autres que ces 8 catégories, c'est comme s'il n'avait pas donné zakat du tout. Et le cheikh, il dit, même s'il avait donné des millions ou des milliards, hein, et qu'il appelle cette action-là zakat, ce n'est pas considéré comme étant une zakat. Jusqu'à ce qu'il donne et qu'il mette cet argent-là dans une des 8 catégories que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées et dans lesquelles il a limité la zakat. Et c'est ça que signifie wa ita'a az-zakat. Wa aydan fi waqtiha, ay yukhrijuha waqta wujubiha wa la yatabata wa yata'akhkhar wa yatakasal tibatan biha nafsuhu. Donc également, c'est pas seulement qu'il va sortir sa zakat, il doit la sortir au moment où elle devient obligatoire, il doit pas retarder, hein, et attendre et être paresseux pour la faire sortir. Et il doit également la faire sortir de bon cœur, hein, parce qu'il a, il l'a fait sortir de lui-même, hein, parce qu'il veut, il aime la faire sortir. Il doit pas la considérer comme étant une amende, une dette ou une peine, hein, qui lui est imposée. Ou bien comme s'il est en train de faire un déficit dans son argent, où il baisse, il perd. Non, il doit considérer ça au contraire comme étant un marnamen, comme étant au contraire quelque chose qui l'enrichit, quelque chose qui ajoute à ses biens, et quelque chose qui est comme un butin pour lui, hein. Et en même temps, c'est une purification pour ses biens. Ok, les fesabilillah. Les pauvres qui sont fesabilillah, il y a des ulama qui ont mentionné par exemple les gens qui sont dans le djihad, ainsi de suite. Il y en a qui ont mentionné comme Cheikh Ibn Uthaymeen les étudiants en sciences islamiques. Et وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ, ceux qui ont un penchant vers l'islam, c'est-à-dire qu'ils sont proches de l'islam, mais peut-être qu'ils ont besoin d'un petit peu d'encouragement, quelque chose pour les aider à se motiver pour être plus forts dans leurs convictions, dans leurs décisions. Comme si les gens qui veulent se convertir ou qui ont un penchant vers l'islam, c'est-à-dire que on voit que c'est des gens qui s'intéressent vraiment beaucoup à l'islam, le fait parfois de les aider économiquement ou financièrement, ça peut les aider justement à vouloir vraiment se convertir. Donc ça c'est par rapport à la zakat. Maintenant, la fin du verset, وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Cheikh il dit, وَهَذِي الْأُمُورُ الثَّلَاثَةَ هِيَ دِينُ الْقَيِّمَةِ الدِّينَ الْمِلَّةِ. القيمة صفة لموصوف محذوف تقديره دين الملة القيمة أي المستقيمة, وهذا دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. Donc le cheikh il dit également également donc ça c'est ces trois choses là qu'on a mentionné dans le verset de Surat al-Bayyinah, et ces trois choses là font partie de la religion de la droiture. Ad-din, ça veut dire la religion. Donc, al-qayyima, ça veut dire que c'est une description qui désigne la religion Donc, si on veut comprendre le verset, ça veut dire la religion de la droiture. C'est la religion de la droiture, la religion qui est droite. Al-qayyima, mustaqima, qui est droite. Et donc ça c'est la preuve, ce verset c'est la preuve donc pour la salat, pour la zakat et pour l'explication du tawhid. Maintenant le jeûne, et on est en train de jeûner maintenant parce qu'on est dans le ramadan. Le cheikh dit wa dalil as-siyam qawluhu ta'ala ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc la preuve de l'obligation et du pilier du jeûne, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui est le verset 183 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il avait été prescrit à ceux qui vous ont précédé, à ceux qui étaient avant vous, pour que vous puissiez atteindre at-taqwa. Pour que vous puissiez atteindre at-taqwa. C'est-à-dire faire ce que Allah vous ordonne et que vous vous écartiez de ce qu'il vous a interdit par crainte de son châtiment et par espoir en son paradis. C'est ça at-taqwa. Donc le cheikh Al-Fawzan il explique ce verset là en disant الصيام لا يجب إلا على المسلمين أما الكفار لو فعلوه ما صح منهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ما داموا على الكفر فإنهم لا تنفعهم العبادات لا صيام ولا غير صيام ولذلك خاطب به المؤمنين خاصة لأنهم هم الذين يستجيبون وهم الذين يصح منهم الصيام ويقبل منهم الصيام كتب عليكم الصيام معنى كتب فرض مثل قوله تعالى كتب عليكم القتال يعني فرض عليكم القتال فالكتب في كتاب الله معناه الفرض. Le cheikh explique que le jeûne c'est obligatoire uniquement pour les musulmans. C'est-à-dire que les koufars, s'ils jeûnent, ce ne sera pas accepté de leur part jusqu'à ce qu'ils disent ou qu'ils témoignent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah seul et que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. S'ils ne témoignent pas ça, alors dans ce cas-là, ce n'est pas obligatoire pour eux et ce n'est, même s'ils le faisaient, ce ne serait pas accepté de leur part. Allah ne va pas les récompenser pour ça. Tant qu'ils restent dans le kufr. Tant qu'ils restent dans le coffre, leur adoration ne leur sera d'aucune utilité. Ni leur jeûne, ni leur salat, ni leur jeûne, ni autre que le jeûne. C'est ce que le cheikh il dit. Et c'est pour cette raison-là que, le verset s'adresse en particulier, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là, il s'adresse en particulier aux croyants, aux mu'minines. Il dit, Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous qui avez cru, il ne s'adresse pas à d'autres, il s'adresse aux croyants. Hein? Et il dit ensuite donc que, pourquoi? Parce que ce sont ceux-là qui vont répondre à l'ordre. Les koufars ne vont pas répondre. Donc Allah s'adresse aux croyants pour leur donner ce commandement-là. Et c'est non seulement c'est eux qui vont répondre, mais c'est aussi ceux-là de qui le jeûne va être accepté et qu'il va être valable. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc ordonne les mu'minines de prier et il dit kutiba alaykum as-siyam. Kutiba, le cheikh dit la signification de kutiba, ça signifie hein, furida. Quand on dit fard, hein, ça veut dire c'est obligatoire. Ça veut dire que ça a été prescrit pour vous de façon à ce que ça devienne obligatoire. Comme un autre verset, qui est le verset 216, dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, il vous a été prescrit le combat. C'est-à-dire, le combat vous a été prescrit. Vous a été rendu obligatoire. Donc, dans le livre d'Allah, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Kutiba, dans le Coran, ça veut dire obligé, rendu obligatoire. D'accord? Bien entendu, il y en a parmi les gens de Bid'a ou les gens de Takfir aujourd'hui, ils disent, regardez, Allah il dit « Kutiba alaykum al-siyam » et il dit « Kutiba alaykum al-qital ». Les deux sont des obligations, donc il faut le faire. Hein? Donc il dit « Pourquoi vous faites le jeûne et vous ne faites pas l'autre, vous ne faites pas le qital ?» Donc c'est une choubha qu'ils utilisent pour essayer de faire croire aux gens que si tu ne fais pas le qital, c'est comme si tu n'as pas jeûné. Ou bien c'est comme si tu n'as pas respecté une obligation qui est pareille que celle du jeûne. Hein? Alors qu'on sait très bien que, bien entendu, le qital, le combat ou le djihad, il est rattaché à d'autres conditions et à d'autres règles. Et que si ces autres conditions et ces règles ne sont pas présentes, eh bien l'obligation du djihad ou du qital, eh bien, ne sont pas dans ce cas-là, elles ne sont pas respectées, donc le combat n'est pas obligatoire dans ce cas-là. Hein? Bien entendu, eux, ils font semblant que, ou bien ils font semblant qu'ils ne savent pas ça, ou qu'ils ne comprennent pas ça, ou bien ils ne font pas semblant, mais ce sont des ignorants qui essaient d'égarer, et qui sont égarés eux-mêmes et qui égarent les autres. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit le cheikh ? كما كتب على الذين من قبلكم أي كما فرض على الذين من قبلكم من الأمم فدل على أن الصيام كان معروفا عند الأمم السابقة في الشرائع القديمة لم تختص به شريعة محمد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم donc il dit comme le jeûne avait été prescrit à ceux qui vous ont précédé, ceux qui étaient avant vous, c'est-à-dire comme Allah subhanahu wa ta'ala avait rendu obligatoire à ceux qui étaient avant vous parmi les différentes nations de faire le jeûne, et donc ça c'est la preuve que le jeûne c'était quelque chose qui était connu dans les nations, dans les autres nations qui nous ont précédés, et que ça faisait partie pour eux de la législation qui est révélée par Allah subhanahu wa ta'ala précédemment et anciennement, et que ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à la législation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais encore là, le fait que ça avait été prescrit aux nations qui nous ont précédés, comme les juifs et les chrétiens ou autres, ça ne veut pas dire que le jeûne que ces gens-là font est valable et accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisqu'il était valable et accepté à l'époque où il l'avait ordonné à ces nations-là, avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais une fois que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu, il est venu en même temps abroger tout ce qui était comme religion et comme législation qui était précédente à lui. Et donc aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas, même s'il se dit chrétien ou juif, prétendre que ce jeûne-là qu'il fait est valable et accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son devoir, son obligation, s'il est juif ou chrétien, c'est plutôt d'accepter l'islam, de dire « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah » et de faire le jeûne de l'islam, le jeûne que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit et a ordonné à ceux qui suivent la charia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout autre jeûne ne sera pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si quelqu'un jeûnait toute sa vie. Hein? والنفس قد تتثاقل الصيام لما فيه من كبح جماع من كبح جماعها ومنعها من الشهوات والله جل وعلا بين أنه سنته في خلقه وأنه على جميع الأمم حتى في الجاهلية كان الصيام معروفا كانوا يصومون يوم عاشوراء. Donc le cheikh il dit, c'est possible que parfois le jeûne soit un peu lourd pour la personne. Et du fait que dans le jeûne, il y a quelque chose qui nous empêche donc de y aller satisfaire nos désirs. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié que ça c'est quelque chose qui fait partie de sa règle et de ses principes qu'il a ordonnés à sa création dans toutes les nations. Même dans la jahiliya, avant l'islam, le jeûne était connu. C'était quelque chose qui était connu. Et il jeûnait le jour de Ashura. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ هَلَّ بَيَانٌ لِلْحِكْمَةِ مِنَ الصِّيَامِ فَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ بَيَانٌ لِلْحِكْمَةِ فِي مَشْرُوعِيَةِ الصِّيَامِ وهو أنه يسبب التقوى لأن الصيام يترك به الإنسان مألوفاته وشهواته ومرغوباته تقربا إلى الله سبحانه وتعالى فيكسبه التقوى كما أنه يكسر أيضا شهوة النفس وحدتها لأن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم فمع تناول الشهوات يتسلط الشيطان ومع ترك الشهوات يضعف مجرى الدم فيطرد الشيطان عن المسلم ففي الصيام حصول التقوى التي هي جماع الخير كله. Donc le cheikh il explique que pour que vous atteigniez at-taqwa, pour que vous ayez at-taqwa, c'est-à-dire qu'il y a dans ça l'explication de la sagesse qui est dans le jeûne, qui est présente dans le fait de jeûner, dans le jeûne. Pour que vous puissiez atteindre at-taqwa, ça c'est la première raison, la première sagesse. Et le cheikh il dit parce que ça cause à une personne d'obtenir la taqwa, la piété. Hein? Pourquoi? Parce que le jeûne, quand quelqu'un jeûne, il abandonne les choses qu'il aime. Et l'abandonne ses désirs. Hein? Et il l'abandonne dans quel but? Pourquoi? Pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, ça lui fait obtenir, qu'est-ce qu'on appelle en arabe, at-taqwa. Ça lui fait obtenir at-taqwa. Et en même temps, ça lui casse les désirs de son âme. Et ça casse également, comment je pourrais dire, comme le cheikh il dit, hiddataha. C'est-à-dire, ça casse la force de son désir pour ces passions-là aussi. Hiddah, ça veut dire, quand une lame est aiguisée, on dit qu'elle est très aiguisée, on dit qu'elle est tranchante ou fine. Hein? Eh bien, quand tu jeûnes, eh bien, ça enlève à ces désirs-là leur côté tranchant, leur côté leur force, disons. Disons que ça brise cette force de tes désirs. Parce qu'on sait que le shaitan, il circule dans le fils d'Adam, dans l'être humain, de la même manière que le sang. Hein? Il coule dans le corps du fils d'Adam comme le sang. Et lorsque l'être humain a accès à ses désirs et à sa nourriture, et il mange et il boit, hein, à satiété, eh bien, il y a toute cette énergie-là, cette force, cette nourriture qui alimente son corps et qui est dans son sang, qui circule dans son sang, avec le shaitan en même temps, qui lui donne au shaitan plus de force, d'une certaine façon, d'amener la personne, d'inciter la personne à satisfaire ses désirs. Tandis que lorsque la personne, elle jeûne et qu'elle abandonne ses désirs, eh bien, on peut dire que ça affaiblit la circulation du shaitan dans son sang et ça le chasse. Ça chasse le shaitan d'une certaine façon de ce musulman, puisqu'il a moins de force pour satisfaire ses désirs. Et donc, dans le fait de jeûner, il y a quelque chose qui aide cette personne-là à obtenir la taqwa. Et on sait que at-taqwa, c'est la chose qui réunit tout le bien pour le musulman, dans cette dunya et dans l'au-delà. Hein? At-taqwa, c'est cette barrière, cette chose qui empêche la personne de tomber dans ce qui est haram et qui l'incite à faire ce qui est bien. فَهَذِهِ فَائِدَةُ الصِّيَامِ فَهَذِهِ فَائِدَةُ الصِّيَامِ أَنَّهُ يُسَبِّبُ التَّقْوَى تَقْوَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى واتقاء المحارم والشهوات المحرمة لأن الإنسان إذا ترك المباحات طاعة لله كان من باب أولى أن يترك المحرمات والصيام يدربه على تجنب الحرام ويدربه على التمكن من نفسه الأمارة بالسوء ويطرد عنه الشيطان ويلين قلبه للطاعة. الشيخ explique donc un des bienfaits, comme on a mentionné, c'est le fait que ça cause à une personne d'obtenir la taqwa d'Allah, de craindre Allah, d'avoir la piété, et de s'écarter des choses haram et des désirs interdits, parce que l'être humain, lorsqu'il abandonne ses désirs par obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, alors s'il s'abstient de ce qui est permis pour lui, pour Allah, et bien dans ce cas-là, c'est encore plus facile de s'abstenir de ce qui est haram. Parce qu'il s'abstient de ce qui est permis, ce qui est licite, ce qui est halal, il s'en abstient. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors dans ce cas-là, c'est encore plus évident qu'il va s'abstenir de ce qui est haram en temps normal, lorsqu'il jeûne. Donc le jeûne entraîne cette personne, l'amène à s'entraîner à s'écarter de ce qui est haram et lui donne un entraînement personnel qui va l'aider à être capable par la suite de dompter l'âme qui l'incite à faire le mal et à repousser le shaitan et à adoucir son cœur à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est des choses qui nous montrent l'intérêt et le bienfait du jeûne. L'intérêt et le bienfait du jeûne. Et il y a un point aussi par rapport à ce que le cheikh il mentionne ici, c'est que il y a des des péchés que certaines personnes font de manière constante et qu'ils persistent à les faire parce que ils ont adopté un mode de vie parfois qui est en contradiction avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vivent avec un péché dans leur vie qui est devenu pour eux parfois comme étant considéré pour eux comme étant normal parfois. Hein? Ils ne le rendent pas halal, ils savent que c'est haram, sauf que ça fait tellement longtemps qu'ils vivent de cette façon-là et qu'ils font ces péchés-là, que pour eux c'est comme s'ils ont oublié la gravité de ce péché-là et l'obligation qu'ils ont de se repentir de ce genre de péché-là. Donc, ça c'est une différence entre la personne qui est déjà accroché à l'obéissance d'Allah et qui suit la charia d'Allah dans tous les aspects de sa vie, hein, et qui s'abstient de tous les péchés de façon générale, mais qui peut parfois glisser ou tomber, hein, dans un moment de faiblesse, dans une passion ou dans un désir ou dans un péché, puis qui se rappelle tout de suite après qu'il a commis un péché et qui revient tout de suite à la règle obligatoire de rester dans qu'est-ce qui est obligatoire et de s'abstenir de l'interdiction. Hein? Tandis que l'autre personne, elle vit un péché qu'elle persiste à faire et ça fait partie maintenant de ses habitudes. Donc, le jeûne du Ramadan, c'est bon pour ce genre de personnes-là qui ont pris des mauvaises habitudes dans leur vie et qui ont et pour qui certains péchés sont devenus des choses qui sont devenues établie, persistante, continuelle pour eux. Ça aide pour eux à casser ce cercle vicieux et cette habitude et à revenir à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est comme le cheikh, il le mentionne, et c'est comme si, par exemple, il y a des gens, quand ils le font le ramadan, par exemple, il y a des gens qui jeûnent le ramadan, mais quand c'est le reste de l'année, ils vont se permettre de faire des choses que dans le ramadan ils ne vont pas faire. Il y en a qui vont jeûner le ramadan et qui ne font pas la salat. Hein? Comment si tu ne fais pas la salat, tu peux espérer que ton jeûne sera accepté? Hein? C'est contradictoire. Donc, quelqu'un, lorsqu'il arrive dans le mois de ramadan et qu'il réfléchit sur ça, ça doit le faire se réveiller en lui-même quelque chose qui va lui dire, mais je ne peux pas vivre comme ça, je dois changer ça, je dois commencer à ordonner, à obéir à l'ordre d'Allah. Si je respecte cet ordre de faire le jeûne, alors pourquoi je ne fais pas les autres ordres qui sont aussi obligatoires que le jeûne, qui font partie des piliers de l'islam et qui sont même parfois plus obligatoires puisqu'ils sont quotidiens, tandis que le jeûne c'est annuel et ça dure un mois. Après le mois, c'est plus obligatoire. Donc, quelqu'un, il doit commencer à réfléchir. Et aussi, la même chose pour un homme musulman. Il dit, mais là, je m'arrête de fumer pendant les jours. Et je sais que cette cigarette-là, ça me cause du tort et que ça me fait gaspiller mon argent. Pourquoi je ne vais pas m'abstenir le reste du temps? Hein? Le soir, quand j'arrête de jeûner, pourquoi je vais fumer? Pourquoi je vais fumer le reste de l'année? La même chose. La femme musulmane qui, par exemple, elle ne se voile pas durant le ramadan, durant le reste du ramadan, en dehors du ramadan. Mais dans le ramadan, elle fait des efforts pour aller à la mosquée pour faire les tarawih, par exemple. Elle fait la prière, elle se voile pour prier. Mais quand elle sort de la prière, elle ne se voile pas, elle se dévoile. Quand elle va à la mosquée, elle se voile. Et quand elle sort de la mosquée, elle se dévoile. Hein? Cette personne, elle doit se poser la question, est-ce que je vis ma vie pour adorer mon Créateur et pour lui plaire, ou bien je vis pour faire plaisir et pour plaire à la société, pour plaire aux gens qui m'entourent, pour faire plaisir à ceux qui n'aiment pas voir le voile ou n'aiment pas entendre l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, elle se remet en question. Si j'applique cet ordre, je dois mettre en application les autres ordres d'Allah. Hein? Et celle qui ne se voile pas correctement, elle met un foulard, mais elle ne respecte pas les conditions du voile qui est de mettre le djilbab qui couvre de la tête jusqu'aux pieds. Hein? Un long tissu, une longue robe qui recouvre complètement les vêtements d'intérieur lorsqu'elle sort. Là, il doit se poser la question. Parce que Allah Musta'an, des fois même maintenant, tu vois des femmes musulmanes qui vont prier à la mosquée en pantalon. Elles vont prier à la mosquée en pantalon. Et ça me rappelle les femmes kuffar, yani dans les églises chrétiennes ou dans les églises protestantes aussi, yani, qui vont à l'église en mini-jupe. Qui vont à l'église avec du parfum, du maquillage, talons hauts, et qui vont prier dans leurs églises. Comme ça. Donc, elles pensent qu'elles vont faire une adoration, puis elles sont en train en même temps de commettre un péché. La femme musulmane maintenant, qui porte un foulard sur sa tête, mais qui porte des vêtements qui décrivent les formes de son corps, elle veut faire un acte de bien, mais elle est en train de faire un péché en même temps. C'est contradictoire. Ouais, maintenant c'est ça. Avant c'était les jeans ou les pantalons. Maintenant même des fois des filles avec un foulard puis des collants, comme on appelle ici des leggings. Et ils viennent à la mosquée habillés comme ça pour prier. C'est ça. C'est ça. Barakallahu fik. Donc comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Et le fait que les imams et les gens les responsables des mosquées, ils se taisent sur ce sujet-là et ils ne critiquent jamais rien là-dessus, même les responsables des associations musulmanes qui voient des femmes venir dans leur mosquée ou dans leurs associations et qui ne mentionnent même pas un conseil à leur sœur dans ces questions-là, ils sont responsables, ils ont une part de la responsabilité, hein. Et comme tu dis, peut-être qu'il y en a qui vont dire bon, je vais juste porter une jupe longue avec un chandail puis un petit foulard, et qui pensent que ça c'est correct, même si la femme elle va pas mettre le long djilbab qui couvre ces vêtements-là, qu'elle pense que c'est pas correct. Non, hein? Comme un frère disait, c'est une femme qui porte un hijab, mais ce hijab qu'elle pense que c'est un hijab, mais ce hijab il a besoin d'un hijab lui-même parce qu'il couvre pas ce qui est obligatoire de couvrir, hein? Et donc lorsque le but du hijab, qui est de protéger les hommes et les femmes de la société contre la tentation et les désirs interdits, si ça c'est pas respecté, hein, et que on se base sur qu'est-ce que les autres font autour de nous, hein, pour dire ah mais eux ils font ça, donc si eux ils font ça, ben moi je suis pas si mal que ça, hein, on se base sur les autres en voulant dire Les autres femmes, par exemple, elles mettent un pantalon, moi je mets une longue robe, ou bien une longue jupe. C'est mieux que la robe. Donc, je suis quand même mieux que l'autre personne. Comme si la référence pour nous c'était qu'est-ce que les autres font. Non, notre référence c'est pas ce que font les autres. Notre référence c'est le Coran et la Sunna. Et l'exemple des Sahaba et des Salafus Salih, c'est à eux qu'on doit se comparer et c'est vers eux qu'on doit retourner pour trouver la référence et l'exemple qu'on doit suivre. Parce que sinon, si on va se référer à la société dans laquelle on est pour déterminer qu'est-ce qui est correct et ce qui n'est pas correct, c'est sûr que si tu vas te comparer avec la fille qui n'est pas musulmane ou qui est juive ou chrétienne ou athée et qui s'habille avec des vêtements légers ou presque nus, tu vas dire, ben moi, au moins je suis plus couverte que elle. Mais c'est pas ça la référence. Sinon, si tu vas aller en Amazonie où les gens vivent nus, tu vas dire quoi, hein? Tu vas mettre un bikini, tu vas dire c'est mieux que d'être nu. Tu mets un foulard avec le bikini, tu dis ça y est, j'ai couvert mes cheveux. Ça, c'est la contradiction. Barakallahu fik. Ça, c'est un autre point aussi que le frère mentionne, l'exemple du fait que dans les magasins où on vend des vêtements pour les femmes musulmanes, on prétend offrir aux femmes des vêtements soi-disant islamiques ou religieux, et en réalité c'est des vêtements qui sont en contradiction même avec la charia. Comment tu vas faire une parade de mode de vêtements islamiques, Yann? Ici c'est des vêtements que tu vends pour que la femme porte à l'intérieur de chez elle. Oui, d'accord, mais c'est pas ça. Pour eux, ils pensent que ces vêtements-là sont islamiques, que c'est correct de sortir avec dans la rue avec un foulard. Puisque dans la fenêtre, dans la vitrine de leur magasin, ils mettent un mannequin, hein, avec un foulard sur la tête et des vêtements d'intérieur. des vêtements qu'une femme peut uniquement porter chez elle à l'intérieur, parce que c'est des vêtements enjolivés. Et c'est cette idée-là que ces femmes-là, la plupart des fois, c'est des femmes qui ont ces idées qui viennent des Ikhwan ou des choses comme ça. Ils disent que on peut, même si on porte le voile, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être à la mode. Ou même si on porte le voile, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être jolie ou coquette. Hein? Allah musta'an. C'est la preuve que c'est des gens qui n'ont rien compris de l'islam, rien compris de la signification de l'adoration d'Allah, rien compris de la signification du hijab en islam, hein, qui mélange tout. Hein. Donc, notre devoir entre nous, c'est de se donner la nasiha, de s'encourager dans le bien. Donc, si tu vas jeûner dans le mois de Ramadan, tu vas établir le jeûne et tu vas faire le tarawih, eh bien, tu dois essayer de te forcer également dans le Ramadan et à l'extérieur du Ramadan à t'écarter de qu'est-ce qui est haram et à t'écarter de la vie de vivre dans le haram. Hein? Moi je suis étonné subhanallah de voir des frères mashallah qui viennent dans les nuits du Ramadan faire le tarawih, des gens que tu vois habituellement parfois ils vont pas faire la salat ou parfois ils sont dans les choses haram. Puis dans le Ramadan, ils font beaucoup d'efforts pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour essayer de chercher le pardon et des choses de ce genre. En particulier, qu'est-ce qui s'est passé hier? Il y en a qui pensent que c'est la nuit du 27 qui est la Laylatul Qadr. Tu vois toutes les mosquées toujours pleines cette nuit-là. Les gens ramènent de la nourriture, des choses comme ça. Ils font une fête même. Dans certains pays, ils pensent que c'est une fête. Ils ont déclaré ça comme étant une célébration ou une fête. Ça, c'est une bid'ah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais parlé de ça, n'a jamais ordonné ça, n'a jamais fait ça, ni les sahaba, ni les ulama de l'islam à travers les siècles. Donc c'est une innovation, mais tu vois des gens qui vont jamais à la mosquée, toute l'année ils vont pas à la mosquée, mais cette nuit-là tu les vois. Les gens qui font ça et qui pensent comme ça doivent se remettre en question. Ils doivent se poser la question, est-ce que je suis sincère avec Allah de devenir cette nuit-là, puis dire ça vaut 1000 mois. Donc ça y est, je vais prier cette nuit-là, puis c'est correct. Le lendemain, je vais pas prier, ni après-demain, ni après-demain, ni après-demain. Mais c'est ça. Eux, ils pensent que s'ils font la Laylatul Qadr, comme tu dis, ils pensent qu'ils ont prié pendant 83 ans ou je sais pas combien d'années. Donc ça y est, après, ils peuvent prendre une pause et il n'y a plus besoin de prier par la suite. Sauf qu'il y a un problème dans ce raisonnement-là. C'est que si tu établis pas la salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit... العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. L'alliance ou le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la salat. Alors celui qui l'abandonne, il a mécru. Non, donc c'est pour dire celui qui n'applique pas la salat, n'établit pas la salat, jamais, il prie jamais. Après avoir prié Laylatul Qadr, après il va plus prier tout le reste de l'année. Soi-disant, c'est le 27. Parce qu'il n'y a pas de preuve pour dire que c'est le 27. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, cherchez-la dans les nuits impaires, dans les 10 derniers jours. Et il a dit, donc, dans les nuits impaires. Il n'a pas dit le 27 de façon explicite. Et les sahabes ont dit, on pensait que c'était le 27. Il y a un hadith qui mentionne, on pensait que c'était le 27. Mais c'est pas affirmé de façon certaine que c'est le 27. Même il y a des ulama qui disent que elle change chaque année de nuit. C'est jamais la même nuit. Chaque année, ça change. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça pourquoi? Pour que les gens fassent des efforts dans les dernières nuits pour essayer de tomber sur cette nuit-là, pour avoir cette baraka. Et pour les encourager à faire des efforts dans l'adoration. Pas pour qu'ils viennent une nuit là, puis ça y est, hein. Allah musta'an. Donc ça c'est des exemples d'égarement, d'innovation. C'est pas suffisant juste les bonnes intentions. Il faut faire les choses comme il faut. Le cheikh il dit donc: وَلِذَلِكَ تَجِدُ الصَّائِمُ أَقْرَبُ إِلَى الْخَيْرِ مِنَ الْمُفْتِرِ تَجِدُهُ يَحْرِصُ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَعَلَى الصَّلَاةِ وَيَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ مُبَكِّرًا الصيام لينه للطاعة وهذبه كل هذا داخل في قوله لعلكم تتقون. فالشاهد من الآية قوله كتب عليكم الصيام فهذا دليل على فريضة الصيام وفسره بقوله شهد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لأن قوله كتب عليكم الصيام مجمل فسره بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Donc le cheikh il explique que tu vas trouver donc que la personne qui jeûne elle est plus proche du bien que la personne qui ne jeûne pas. Tu vas trouver que la personne qui jeûne, il fait plus d'efforts, par exemple, à réciter le Coran, à faire la salat, à aller à la mosquée tôt. Hein? Et le jeûne l'adoucit dans l'obéissance et dans l'adoration. Hein? Et c'est comme si la prière le dompte d'une certaine façon. Et donc ça rentre dans l'explication de la'allakum tattaqun, pour que vous puissiez avoir at-taqwa. Et qu'est-ce qu'on peut prendre comme témoin dans ce verset? La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans laquelle il dit on vous a prescrit le jeûne. Et ça c'est la preuve que le jeûne est obligatoire, et il l'a expliqué par cette parole shahru ramadan alladhi unzila fihi al-quran. Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc le jeûne du Ramadan dans lequel on a révélé le Coran. Parce que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit on vous a prescrit le jeûne, ça c'est un verset général. Il a été interprété ou expliqué plus en détail par le verset qui suit qui dit, ou la partie qui suit qui dit, alors quiconque est présent ou témoin de ce mois, alors qu'il le jeûne. Ça c'est le verset, toujours dans le verset 185 dans Surat Al-Baqarah, le verset qui suit, 185. Donc ça c'est en ce qui concerne la question du jeûne. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et au prochain cours on va donc terminer avec le dernier pilier de l'islam qui est le Hajj, puis on va commencer l'autre degré de l'islam qui est le degré de la foi. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Naam. Ok, mais juste un instant. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.